Eh oui, Patrick Manu, what did you to do the radio? Oui. Eh oui, il dit que c'est extraordinaire qu'il fait de la radio avec son corps.